S12, activation, discrimination auditive, masculin, féminin. Vous allez entendre une série de phrases. Dans chaque phrase, déterminez s'il s'agit d'un masculin ou d'un féminin. Cochez la case appropriée. 1. Elle est forte. 2. Il est blond. 3. Il n'est pas très grand. 4. Elle est vive. 5. Il est vif. 6. Elle est plutôt petite. 7. Elle est très sportive. 8. Il n'est pas sportif du tout. 9. Il est fort. 10. Elle est assez grande.